On est goinfré d'une nouvelle religion. On se fait gaver. On se fait gaver avec une nouvelle vision qu'on veut nous imposer. Puis ça fait longtemps. Puis c'est partout, puis c'est dans tout. Donc, dans le fond, c'était. Bon, je le vois vraiment comme ça. Puis c'est sûr que c'est plus facile si les générations, ça dure juste 25 ans au lieu de 100. Ça va être bien plus facile de faire la transposition vers un monde nouveau. Un monde nouveau qu'on nous vend puis qu'on nous gave avec. Que finalement, bon, comme je regardais Emmanuel Macron, à un moment donné, il a fait un discours puis il dit, je crois pas au modèle Amish. Je veux dire, il sait-tu de quoi il parle, là? C'est là le mépris. Moi, j'étais écœuré de ça, le mépris pour l'être humain. C'est un réel mépris, ça. Oh, il y a des dirigeants qui ont du mépris, c'est Ben sûr, par là, moi, je rapport crois à... bien plus au modèle Amish qu'à son modèle à lui. Disons que c'est un modèle qui a fait ses preuves sur plusieurs décennies, Ouais, même pas mal voire de de. générations. Ouais. Tandis que lui, son affaire, ça durera pas longtemps.